Petit problème, Yantiala, Edo, Edoza, Dimbu Vedouze, Jean-Marie Bongongo. Papa, kitoko ya kobota mama, kitoko ya papa Mendoz, naibi ya Mendoz, fotokopi ya papa, kitoko ya kobota mama, kitoko ya papa Mendoz. Let's papa la classe. Signati bien contrôlé, la plume d'or. BDG Michel, la Kilou et Alaï. Sans du genre Innocent Kabouya Hervé. Allez, viens de